Section 25 de Poésies allemandes, traduites par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lue par Christiane Johann. Bardit, traduit du haut allemand. Silvius Caorus, l'un de ces Romains orgueilleux qui se sont partagés la Germanie et les Germains, manda un jour ses affranchis et leur fit déposer la vipère à tête étoilée dont il nous meurtrissait la chair. Il nous permit d'entrer dans la forêt des chênes et de nous y enivrer de cervoises écumantes, car ce jour-là, Silvius épousait la fille blonde d'un de nos princes dégénérés, de ceux à qui les Romains ont laissé leurs richesses pour prix de leur trahison. Et nous, misérables sœurs, savourant à la hâte notre bonheur d'un jour, nous nous gorgions de marrons cuits, nous chantions et nous dansions avec nos seils bleus. Or, il y avait là plus de 3000 hommes et quelques affranchis qui nous surveillaient. Et, quand la nuit commença à tomber et que les chênes répandaient une odeur enivrante, nous criâmes tous à Édic le barde que nous voulions un chant joyeux qui termina dignement cette journée. Édic n'avait pas coutume de nous faire attendre longtemps ses chants, et quand nous les entendions, les chênes pesaient moins, et le travail allait mieux. Édic monta sur un tronc d'arbre coupé à 3 pieds du sol et commença. Il ne sortit de sa bouche rien de joyeux, comme on s'y attendait, mais un chant tel qu'on n'en sait plus faire de nos jours. Et pour le langage, ce n'était pas de ce germain bâtard, mêlé de mots latins, qui vous affadit le cœur en passant comme si l'on buvait de l'huile, mais de ce haut allemand, de ce pur saxon si dur et si fort, qu'à l'entendre on croirait que c'est le marteau d'une forge qui bondit et rebondit incessamment sur son enclume de fer. Il chanta les temps passés et les exploits des hommes vaillants d'où nous prétendons descendre. Il chanta la liberté des bois et le bonheur des cavernes. Et l'éclair de la joie s'éteignit dans nos yeux tout d'un coup, et nos poitrines s'affaissèrent comme des outres vidées. Un affranchi, voyant cela, poussa Édic à bas du tronc d'arbre et lui détacha la langue avec son poignard. Puis, le rejetant à la même place, « Continue » cria-t-il en riant, comme une nuée de ramiers qui retourne au nid le soir. Édic, sans témoigner qu'il ressentit aucune douleur, se leva lentement, puis promena des yeux de feu sur la foule qui l'entourait. Elle ondulait comme un champ de blé, stupéfaite et incertaine. Édic ouvrit la bouche, et il arriva, nos dieux le permirent, une chose prodigieuse et effrayante. Il s'élança de ses lèvres une sorte de vapeur épaisse et enflammée, où l'œil croyait distinguer des figures bizarres et confuses. Cette vapeur allait s'élargissant derrière la tête du barde et eut bientôt envahi tout l'horizon, puis, tel qu'un tableau immense, elle nous retraça les batailles de nos pères, nos forêts incendiées, nos femmes ravies par les armées romaines. Et à mesure que la vapeur merveilleuse s'exhalait de la bouche d'Édic, des images nouvelles se formaient, et nous pûmes admirer longtemps les traits divins d'Arminius et de Trusnelda, sa vaillante épouse. Pendant tout cela, on dansait au palais de Silvius Caorus. Un festin brillant réunissait les seigneurs voisins, et les cymbales et les flûtes dispersaient au loin de ravissants accords. Mais, avant la fin de la nuit, plus doux et plus mélodieuse à nos oreilles, des cris et des gémissements retentirent dans le palais, la flamme joyeuse se prit à danser aussi dans les salles dorées, et la nouvelle épouse posséda, cette nuit-là, plus d'amants qu'aucune romaine n'en eut jamais, tandis que non loin d'elle, Silvius Caorus vomissait son repas de noces par 20 bouches sanglantes. Fin de la section 25. Fin de Poésies allemandes. Traduite par Gérard de Nerval.